Eins. Eins. GMAX. Non, non. Moi pas ça, ça qu'arrive, moi. Et puis où m'a qu'à sentir, moi, bien. Marie sentir nous qu'à prendre la route. La vie la coûte, en les paroles moi m'en toujours doux pout. Moun pe jaloux mais m'en pas ni rien y a foutre. Et c'est vous que t'aime choisi de crier goutou. Gade qui m'en y a c'est bougla ka gade yo. Gade qui m'en y a c'est bougla yo jale yo. Entre vous et moi ça ka kole. Y'a nous testé qu'on nous pouwe ça ka ale doudou. Ou se dit que bon t'y fait ou pas m'ré. M'ba ka gérer d'autres femmes pas échec problème pas m'ré. Moi là bas ou et où là bas m'ré. Équilibre life mwen. Baby, on nous fait un bout de chemin tout tout. Gabordel mange assis tout tout. On nous fait ensemble, il est tout tout. Mauvais temps malgré ça, nous l'a toujours. On est tout ça qu'il faut, doudou. Mais moi ni des défauts, doudou. Les manques à ouais en forme, en forme. Sure. On nous fait un bout de chemin tout tout. Gabordel mange assis ensemble, il est tout tout. Mauvais temps malgré ça, nous l'a toujours. En nous faisant bout de chemin tout tout. Gabordel mange assis, mais tout tout. En nous faisant ensemble, il est tout tout. Mauvais temps malgré ça, nous l'a toujours. Session sous la capa. Moi tiens bien, ou en t'es pas moi. Moi casseré ou casseré moi. Serré moi. Session sous la capa. Gade qui m'en y a c'est bougla ka gade yo. Gade qui m'en y a c'est bougla yo jale yo. Entre vous et moi ça ka kole. Y'a nous testé qu'on nous pouwe ça ka ale doudou. Ou se dit que bon t'y fait ou pas m'ré. M'ba ka gérer d'autres femmes pas échec problème pas m'ré. Moi là bas ou et où là bas m'ré. Et où mette équilibre en life m'ré. Sure. M'a ressenti ou nous ka pren la route. La vie la coûte. En les paroles m'en m'en toujours doux. Moun pe jaloux mais m'en pas ni rien y a foutre. Et c'est vous que t'aimez choisir de crier doudou. En nous faisant bout de chemin doudou. Gabordel mange assis mais doudou. En nous faisant ensemble il est tout tout. Mauvais temps malgré ça nous l'a toujours. En nous faisant bout de chemin doudou. Gabordel mange assis mais doudou. En nous faisant ensemble il est tout tout. Mauvais temps malgré ça nous l'a toujours. Pas ça, ça qu'arrive, moi. Et puis, on m'a senti, moi, bien. Pour y venir, c'est moi à l'équilibre. Attention, on toujours, il galise. Il galise.